Sur les fonds des désespoirs, j'ai planté un drapeau noir. De qui se moque-t-on quand on regarde la télévision? Ce qui compte, c'est ton actualité, ta vie de tous les jours, le travail, le temps de ton travail, si tu l'aimes et qui te permet de payer ton loyer, d'acheter une maison, de remplir ton frigidaire. On n'est pas tous nés dans la cuisse à Jupiter. Sur les fonds des désespoirs, j'ai planté un drapeau noir. De qui se moque-t-on quand on regarde la télévision? Ce qui compte, c'est savoir dire non quand il faut, pour tes enfants, pour les miens, les autres. C'est savoir dire non sans avoir peur de s'opposer et de cultiver la différence et dire oui à l'occasion. Sur les fonds des désespoirs, j'ai planté mon drapeau noir. De qui se moque-t-on quand on regarde la télévision? Ce qui compte, c'est ton jardin, les conditions de son travail, ton temps pour te reposer, lire ou écouter, et puis l'amour. Sur les vents des désespoirs, j'ai planté mon drapeau noir. De qui se moque-t-on quand on regarde la télévision? Ce qui compte, c'est pas ce qui compte pour eux. Ils jouent à la bourse sans rien faire, sans travailler pour spéculer sur ton dos. La bourse ou la vie, il faut choisir. Sur les vents des désespoirs, j'ai planté un drapeau noir. De qui se moque-t-on quand on regarde la télévision?